go. Alors, merci Dani. Bonne première à tout le monde dans ton nouveau défi, finalement, là, de ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire parler avec ta bouche. Mon nom est Gilles Ladissard. Je vais être chroniqueur toutes les semaines. J'espère que tout le monde va bien. Je vais être franc avec vous. De mon côté, pour moi, c'est une première parce que je sors là, tout simplement d'un voyage radieux avec la vie. J'ai été, stigmatisé dans mes 5 dernières années par la mode internationale. Vraiment, là, je me suis là, imprégné de cette force-là. Puis, je vais vous faire part de ça à mes chaque chronique. Bon, arrêtons de parler de moi. Parlons de ma première chronique. Ça va être une chronique café-latte. À chaque semaine, je vais avoir des chroniques que je vais... je vais être bien franc avec vous. Au moment où j'enregistre cette interview, j'ai fait beaucoup de scénarisation, qui est très différent de la scénarisation. Je suis dans un... en transit entre Kuala Lumpur et Walt Disney. Je m'en vais à Walt Disney à Hong Kong, justement, pour aller faire une dégustation de café latte. Et là, la question que les gens vont se dire, pourquoi café latte, mode tendance? Eh bien, imaginez-vous que j'ai découvert dans ce petit coin de pays qu'on appelle Gatineau, un café latte crème. Alors, c'est une crème à base de latte. Latte qui vient de latte facio, latte initial, latte qui, latine, d'origine latine, finalement. Alors, c'est une crème de café latte qu'on s'induit sur le visage. Est-ce que ça provoque? Ça provoque un noircissement de la peau. À l'époque, c'était utilisé par l'armée congolaise. Les Congolais, à l'époque, étaient en guerre contre les Sénégalais. Les Sénégalais sont beaucoup plus noirs. Ils ont une peau très, très foncée. Ils sont très, très près de l'équateur. Et les Congolais sont un petit peu plus au sud. Alors, plus loin de l'équateur, ils étaient un petit peu moins noirs. Et eux, ils s'abattent seulement de nuit. Alors, les Congolais, eux, ce qu'ils faisaient, ils se mettaient de la crème lattée sur le visage pour être encore plus noirs que les Sénégalais. Et de là est venu que de fil en aiguille, on a décidé de faire ça pour les gens qui veulent bronzer plus vite. Alors, c'est une crème de café latte et j'en veux faire, justement, la stigmatisation de cette crème-là à Walt Disney à Hong Kong, où les Chinois sont très là, en pourpre, là, et le, comme on dit, ils s'éclatent complètement sur cette crème latte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller leur faire tester aujourd'hui à Walt Disney Hong Kong, et demain, dans ma prochaine chronique, je vous parlerai des résultats sur ces Asiatiques. S'ils ont apprécié, est-ce qu'ils sont plus noirs, est-ce qu'ils sont moins noirs? Et je peux vous dire une chose, parce que je l'ai essayé. Lorsqu'on boit un café latte puis qu'on a de la crème à latte dans le visage, on est caféine pas à peu près. Puis quand je dis caféine, c'est caféine. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots. Alors, c'était Gilles Ladissard, designer, en direct de son transit en Kuala Lumpur et Walt Disney. Bien, merci beaucoup, Gilles. On va avoir de tes nouvelles la semaine prochaine. La semaine prochaine, sans faute, puis je vous ferai un petit compte-rendu. Puis je te fais un petit hymne, Dani, la semaine prochaine. Je ne vais pas dire de quoi je vais parler. Je vais parler de Chocomato. Mmh. C'est un Grec qui fait du chocolat en métal, du Chocomato. Alors, c'est très spécial, c'est très bien. Les gens s'habillent finalement en métal, mais recouverts de chocolat triple crème. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Dani, puis bonne chance dans ta première. Bye-bye. Bye-bye.